ton nom pour que tu me reviennes, mon amour. On m'a dit depuis longtemps que l'amour est quelque chose de naturel. C'est pour ça que j'insisterai. Ouais. J'écrirai des lettres à ton nom pour que tu me reviennes, mon amour. On m'a dit depuis longtemps que l'amour est quelque chose de naturel. C'est pour ça que j'insisterai. Oh, mets-moi, bébé, tiens-moi dans tes bras. Si bien que tu sois loin de moi. Je passerai des nuits blanches au bord de la mer pour avoir les mots d'amour pour que tu me reviennes. On m'a dit depuis longtemps que l'amour est quelque chose de naturel. Mon ami Dipé est témoin. Béton. Na malongo tendo lo, seto nyola na longe la so. Bito baton se dilta, tendo lo denye longe. Na mende tom se pondami, o longo nyolango, bukate nyolango muto. Car sans la femme, la vie n'est rien. Ayuli, Njoué, Naipoy, Masenga. Prends plus mon cœur. Dieu m'a volé le nom à mon amour. Ouais, Nyango a mouton tonne et son tante Lambo. Abina mounomba nebito Lambo. Nde emania kadita. Nabenika. Le prince Yango est mort. Nyame David. Mon ami, j'écrirai des lettres à ton nom pour que tu me reviennes, mon amour. On m'a dit depuis longtemps que l'amour est quelque chose de naturel. C'est pour ça que je te serai. De Paris, Dina Chantal, Christina, je sais que tu m'entends. À Paris, si le vrai problème est de souffrir, dis-le-moi. Je ferai l'effort de trouver la solution pour changer ça. Si le vrai problème est de souffrir. Je ferai les bons de trouver la solution pour changer ça. Ouais, Nyango Mimbambo. Mais le problème, c'est nous. Yeah. Mais le problème. Dans des bêtises, à l'amour je vais céder. Raza, Africa numéro 1, c'est mon ami. Oh, Alex Dylan. Song.